voilà vite différemment. C'est dur de bien me souvenir de vous, faut y aller tranquillement. Qu'est-ce qu'on est bien quand on est sous? On est bien, on sourit tout le temps. Même ceux qui ont des problèmes dessous, ils sont plus riches qu'avant. Qu'est-ce qu'on est bien quand on est sous? On prend les grosses tuiles autrement. On décolle un peu comme des fous, un peu comme des enfants. Qu'est-ce qu'on est bien quand on est sous? On voit la vie différemment. C'est dur de bien tenir debout, faut y aller tranquillement. Qu'est-ce qu'on aime quand on est sous? C'est pas la connerie qui nous prend. Ça peut être de mauvais goût, c'est quand même bien marrant. On est bien quand on est sous, et que tout va mal chez les gens. On a beau voir un petit peu flou, on voit plus clair maintenant. Est-ce qu'on est bien quand on est sous? On voit la vie différemment. C'est dur de bien se tenir debout, faut y aller tranquillement. C'est dur de bien se tenir debout, faut y aller tranquillement.